Les fenêtres closes par A.E.W. Mason. J'étais employé à la Compagnie royale africaine, le Pionnier, lorsqu'un jour de l'année 1744, on me dépêcha aux lointaines îles Scilly, en quête de renseignements que pouvait seul fournir, croyait-on, Mr. Robert Lovelace. Jamais peut-être, plus qu'en cette circonstance, le devoir ne s'accorda chez un homme avec le désir. Car l'existence de Mr. Robert Lovelace proposait à mon imagination un romanesque problème. Après une jeunesse aventureuse, il avait passé 8 ans en esclavage chez des nègres de la Gambie. Plus tard, ayant amassé une fortune considérable, il avait engagé dans les entreprises de la compagnie, et il vivait depuis 20 ans retiré à Tresco. Cela, c'était ce que tout le monde pouvait savoir, sans être tenté d'en apprendre davantage. Mais les contes de Mr. Lovelace me révélaient une particularité singulière. Pas une fois durant ses 20 ans, il n'avait touché à son capital ni à ses intérêts, en sorte que sa mise ne cessait de croître, sans aucun profit visible pour lui-même. Je débarquai dans le port de New Grimsey, à Tresco, par un crépuscule gris de septembre, et je demandai Mr. Lovelace. Les indications qu'on me donna me conduisirent, par des hauteurs plantées de bruyères, jusqu'à Dolphin Town, qui commande Old Grimsey Sound et l'île de Sainte-Hélène. Dolphin Town, en dépit de son grand nom, ne peut guère se glorifier que d'une douzaine de pauvres maisons disséminées parmi les ajoncs et les fougères. Une de ces maisons attira mon attention, car d'abord, elle avait 2 étages, ce qui l'élevait d'un étage au-dessus des autres. Ensuite, toutes les fenêtres en étaient hermétiquement closes, et elle prenait dans ce déclin du jour l'air mélancolique et penchée d'un navire abandonné en mer. Elle apparaissait au centre du minuscule village, entourée d'un petit jardin broussailleux que fermait une palissade. Dans la palissade, il y avait un portillon, d'où l'on accédait à la maison par un sentier raboteux, et tout près, sur le côté droit du sentier, un puits muni d'un seau et d'une manivelle. Altéré par ma course, je pénétrai dans le jardin et puisai de l'eau. Entre le puits et la maison, des pas avaient frayé une piste étroite sur l'herbe, et je vis avec étonnement que les pierres autour de l'orifice étaient humides d'éclaboussures récentes. La maison avait donc un habitant. Je la regardai de nouveau, mais les volets gardaient leur secret. Aucune lueur ne filtrait par les interstices. Le crépuscule se mourait. Tout d'un coup, le portillon derrière moi gémit sur ses gonds. Je m'arrêtai dans l'ombre de la maison, d'ailleurs assuré par la protection de l'heure. Un homme passa, allant vers la porte. Bien qu'il se voûtât lourdement, il restait d'une taille peu commune, et il avait un panier à son bras. Il déposa le panier sur le seuil, fit instantanément 2 tours, redescendit le sentier et franchit la palissade. J'entendis 1 fois, 2 fois, le grincement du portillon, puis un cliquetis quand le loquet retomba. Intrigué comme je l'étais, je ne pus me défendre d'examiner le panier. Je constatai qu'il contenait des vivres. Il y avait là un mystère et qui devenait troublant, irritant. Je m'étonnais qu'une femme s'imposât une claustration si sévère. Avait-elle fait un vœu, cette créature séparée de tout derrière cette porte? Cependant, je me rappelais que mes affaires restaient en souffrance, et je repris mon chemin vers la maison de Mr. Lovelace. Il habitait au-dessus de Merchant's Point, à l'extrémité nord du havre d'Old Grimsey, une longue bâtisse brunâtre. Je le trouvai à table, cassant des noix, seul dans sa triste salle à manger. C'était un vieux gentleman chétif, d'une 60aine d'années, mais qui marquait plus que son âge, et avait tout à fait l'air d'un homme sur le déclin. À peine abordai-je l'objet de ma visite, il m'arrêta. « Ce n'est pas moi, dit-il, que votre démarche concerne. Il y a erreur sur la personne. » « Vous demandez Mr. Robert Lovelace et je suis son frère John. Il est vrai que je fus capturé avec lui en Afrique, mais je recouvrai ma liberté 6 ans plus tôt. Nous avions fui tous deux en même temps de chez les nègres. Ceux-ci nous poursuivirent, mon frère tomba sous une flèche et je le laissai pour mort. » J'avais entendu dire en effet que Mr. Robert Lovelace avait un frère. J'ignorais que ce dernier vécut également à Tresco. Mon hôte insista pour me retenir. Mais le devoir m'appelait ailleurs et je le priai de me mettre dans mon chemin, à quoi il ne consentit que d'assez mauvaise grâce. Obligé de retraverser Dolphin Town, je cédai à un mouvement impulsif en examinant de réchef la maison aux fenêtres closes. On avait enlevé le panier de vivres, un seau vide en occupait la place. Mais il n'y avait toujours pas de lumière visible. Je continuai mon chemin et compris, en arrivant chez Mr. Robert Lovice, l'hésitation de son frère. Mr. Robert occupait, à la lisière de la lande près de la mer, une bicoque digne tout au plus du dernier des pêcheurs. Non loin de là reposait sur le sable un grand bateau. L'habitant du logis vivait apparemment de la pêche. Je frappai. Un homme vint m'ouvrir qui s'éclairait d'une chandelle. « Mr. Robert Lovice ?» demandai-je. « C'est moi. » Et il m'introduisit dans sa cuisine, petite et pauvre, mais scrupuleusement nette et tout illuminée par un bon feu. Il me fit entrer, dis-je, et ma surprise redoubla quand je reconnus à sa démarche, à sa taille, au pli de ses épaules, l'homme même que j'avais vu apporter le panier dans le jardin. Je l'observai à mon aise, sans lui découvrir aucune ressemblance avec son frère. Il était plus épais, plus vigoureux, très barbu. Et tandis que la chevelure de Mr. John était poudrée avec soin et nouée d'un ruban, la sienne, noire et légèrement tachetée de gris, lui retombait comme une toison mal peignée autour de la tête. Il n'y avait entre eux que 2 ans de différence, et il aurait pu y en avoir 10. Je lui expliquai ce qui m'amenait. Il me fit asseoir à sa table et nous soupâmes de poissons frais qu'il servit lui-même. Il me donna pendant le repas le renseignement pour lequel j'étais venu. Mais je ne prêtai à ses propos qu'une oreille distraite. Sa fortune, dont je savais le chiffre, le portrait qu'il m'offrait de lui à cette table, dans ses grandes bottes et sous cette barreuse de marin, qu'il portait le plus naturellement du monde, l'aisance de ses discours sur les fleuves lointains de l'Afrique, tout concourait à me brouiller les idées, sans compter le mystère de la maison fermée et de ses rapports avec elle. Je fus tenté plusieurs fois de l'interroger. Ses façons m'en dissuadèrent. Il finit par remarquer mon inattention. « Vous devez être fatigué, » bougonna-t-il. « Je ne puis vous loger chez moi faute de place, mais j'ai un jeune ami, qui par bonheur se trouve pour la nuit à Tresco. Je ne doute pas qu'il m'oblige en me recevant. » Il me conduisit alors à un cottage situé sur la limite de Dolphin Town, tout proche de la mer. « Mon ami, dit-il, s'appelle Ginver Wyeth. Bien qu'originaire de ce pays, il n'y réside pas car il est instituteur en Angleterre. Il a récemment perdu sa mère et c'est le motif de sa venue. Mr. Wyeth m'accueillit fort aimablement. Il s'exprimait avec une recherche qui, de la part d'un fils de pêcheur, m'étonna et qu'il m'expliqua lui-même, en fumant une pipe, sitôt Mr. Lovice partit. Je dois tout à Mrs. Lovice. Elle me prit chez elle, très jeune. M'enseigna les rudiments et plus tard me mit au collège à Falmouth. « Mrs. Lovice, » m'écriai-je. Je n'avais jamais entendu parler d'une Mrs. Lovice. « Oui, » répondit-il, et se penchant, baissant la voix. « Vous êtes allé jusqu'à Merchant's Point, dites-vous. Alors vous êtes passé devant la folie de Crudge. Une maison à 2 étages avec un puits dans le jardin. Mais oui, c'est là qu'elle demeure. Derrière ses fenêtres, sans jour, elle ?» Voilà 20 ans qu'elle vit ainsi au milieu de nous, sans s'être montrée une fois à personne, pas même à Robert Lovice. Il s'arrêta. J'attendis, espérant qu'il ne tarderait pas à reprendre son récit. Rien ne venait, je dus rompre le silence. J'ignorais que Mr. Robert fût marié, dis-je avec tout le détachement possible. Aussi ne l'est-il pas, répliqua Mr. Wyeth. Mrs. Lovice n'est point sa femme, mais la femme de John. La maison de Merchant's Point lui appartient. Elle y habitait il y a 20 ans. Cette révélation si imprévue me coupa le souffle. « La femme de John Lovice ?» balbutiai-je. « Mais... » Et je racontai à mon hôte que j'avais vu Robert Lovice apporter un panier dans le jardin. « Oui, » dit Wyeth. « 2 fois par jour, Robert Lovice va puiser de l'eau pour Mrs. Lovice, et 1 fois par jour, il lui apporte sa nourriture. La maison qu'elle habite est la maison de Robert, la maison qu'il a bâtie de ses mains. » Depuis le plancher jusqu'au toit de chaume, et qu'il baptisa du nom qu'elle a toujours gardé, la folie de Crudge. Mais Miss Lovice n'en est pas moins la femme de John. Et cédant enfin à mes instances, Mr. Wyeth me dit l'histoire. C'est, commença-t-il, l'histoire d'un sacrifice, d'un grand sacrifice, peut-être fou, et dans tous les cas poussé à l'extrême. Enfant, je le vis s'accomplir sous mes yeux. quand, le soir du mai, il y a 20 ans, Robert Lovaise mit pour la première fois le pied à Tresco, il vint heurter à la porte même de cette chambre où nous sommes. Je me trouvais ici en vacances. Nous vîmes entrer un curieux personnage. C'était, mais nous ne l'apprîmes que plus tard, Robert Lovaise. Sa barbe, noire comme du charbon, encadrait un visage aussi blanc que celui d'un spectre et tout luisant d'eau de mer. Ses vêtements ruisselaient, l'enveloppant d'une flaque. « Combien de fois ai-je frappé ? » demanda-t-il gaiement. « 2 fois, il me semble. Oui, 2 fois. » Puis il s'assit sur notre banc, retira ses grandes bottes de marin dont il se mit à vider l'une sur les carreaux de briques et demanda « Le nom de cette île ?»« Tresco. »« Tresco, » souffla-t-il, très ému, comme s'il eût tout ensemble attendu et redouté ce nom. « Alors c'est sur le Golden Ball que nous allons aller nous perdre ?»« Vous perdre, » s'écria mon père. Mais l'homme, poursuivant sa pensée, continua. « J'ai gagné un îlot à la nage. « North Weddell, sans doute, » dit mon père. « Oui, sans doute, North Weddell. » Curieuse, ma mère demanda. « Vous connaissez ces îles ?»« Oui, » répondit l'homme, et un sourire d'une douceur inattendue épanouit son visage. « Je connais ces îles. De Rosavine à Granilly, de Penicillin Head à Maiden Bower, je les connais toutes. » Ici, Mr. Wyeth, interrompant, alla ouvrir la fenêtre. « Écoutez, » dit-il. J'entendis comme d'innombrables voix qui babillaient, chuchotaient, murmuraient dans une langue mystérieuse. Par moments, les voix confondues ne formaient qu'une plainte. La marée monte sur le Golden Ball. L'écueil s'allonge vers la mer depuis l'île de Sainte-Hélène en face jusqu'à mi-chemin dans le Sound. On l'aperçoit à marée basse, plat comme une chaussée pavée. Dieu garde le navire qui le rencontre. Mr. Wyeth n'avait pas fini de parler que, d'entre ces rumeurs sourdes, une détonation s'éleva tout d'un coup, pareil au bruit du canon. « C'est la roche qui craque, » dit-il. « Elle craque ainsi par les temps les plus calmes. » Là-dessus, il ferma la fenêtre et, rallumant sa pipe, il reprit. Le bateau pour duquel l'inconnu avait fait naufrage était un brick goélette, le Waking Dream, qui allait de Cardiff en Afrique. Pris par le brouillard vers 3 heures, à 1 mille au plus des Seven Stones, il avait perdu sa route et s'était jeté sur le Golden Ball. Il avait rebondi 2 fois, puis coulé. L'homme nous dit qu'il se croyait le seul survivant de l'équipage. « Et maintenant, » conclut-il, tapant sur sa ceinture, « puisque j'ai de quoi payer, je vais vous demander asile pour la nuit et suspendre en l'honneur de Neptune mes vêtements ruisselants. Mes tabula sacer, votiva paries, commençai-je, tout fier de mon savoir, car j'avais appris 8 jours avant ces vers de Horace. » « Patois de Cornouailles, je suppose ?» interrompit gravement l'étranger. « Mais faites-moi donc le plaisir d'emporter mes bottes. » Ce qui suivit me sembla le plus curieux de l'aventure. À la vérité, nos brumes de mer s'en vont presque toujours aussi vite qu'elles arrivent. Mais cette fois, le peu de temps que mit la brume à se lever m'impressionna comme quelque chose de cruel et d'arbitraire. Que l'atmosphère se fût éclaircie 1 heure plus tôt, et le Waking Dream n'aurait pas touché sur les roches. J'ouvris la porte. Aussitôt, un panneau de lumière blanche s'inscrivit sur le sol. L'étranger se dressa d'un bond et, courant vers le dehors, sur ses bas, s'arrêta dans la fougère. Le brouillard traînait encore un peu de fumée sur les flots luisants de la baie de Tienne. Sainte-Hélène enroulait une écharpe à ses bosses rocheuses. Partout ailleurs, le clair de lune coulait sur les promontoires, inondant à plusieurs milles l'étendue paisible. Il y avait de l'écume sur le Golden Ball, mais nul vestige de la goélette disparut dans ses herbes. Cependant que mon père et ses 2 matelots se rendaient au rivage, je fus chargé d'aller à la Merchant's Point signaler notre hôte. Ma mère lui demanda son nom. Il parut ne pas entendre et dit d'une voix de songe « 8 hommes à bord, 4 seulement sur le pont. Auront-ils pu se sauver à la nage ?» Je m'acquittai promptement de ma commission. Quand je revins, apportant une bouteille de cordial, je trouvai l'étranger immobile à la même place, dans le clair de lune. Il semblait n'avoir pas bougé un doigt. Je lui remis la bouteille et l'informai que tous les hommes qu'on recueillerait seraient transportés à Merchant's Point. Lui-même devrait s'y rendre le lendemain matin. « Qui vous a enseigné le latin ?» me demanda-t-il à l'improviste. « Mrs. Lovaise m'en a montré les premiers principes. » Alors il se mit à me faire parler d'elle, mais avec une certaine adresse, car par moments, il passait à autre chose, pour revenir ensuite à Mrs. Lovaise, en sorte que notre conversation semblait avoir le décousu et l'inconséquence d'un bavardage enfantin. Mais c'est John Lovice, apparenté de loin au lord propriétaire, était venu à Tresco 3 ans auparavant sur le désir, croyait-on, de son mari. J'avais plaisir à parler d'elle, car je lui devais beaucoup, et elle était la femme la mieux faite pour gagner le cœur d'un enfant. Déjà parvenue à la trentaine, grande, avec de bons yeux gris, elle apportait en toute chose la tendre indulgence d'une personne qui a beaucoup souffert. Nous en étions là de notre causerie quand mon père rentra. Il rentrait seul. On n'avait recueilli aucun homme de l'équipage. « Vous me demandiez mon nom ?» dit alors et alors seulement Robert Lovice en se retournant vers ma mère. « Je m'appelle Crudge, Jarvis Crudge. » Il s'en fut couché. Mais toute la nuit, je l'entendis faire les 100 pas dans sa chambre. Le lendemain matin, il se plaignit de sa longue immersion dans la mer. Je le conduisis chez Mr. et Mrs. Lovice. Il leur conta son histoire, tandis qu'ils déjeunaient dans leur petit salon de Merchant's Point. Et il parlait d'une voix si rauque que je n'ai jamais entendu l'appareil. Mr. Lovice ne nous prêtait pas grande attention. Il continuait de manger, se bornant à placer de ci de là un aigre commentaire. Mais je remarquai que Mrs. Lovice, assise en face de nous, tendait la tête, et qu'une fois ou deux, elle la secoua, comme pour en chasser une idée absurde. Le récit terminé, elle ne bougea pas, elle n'eut pas une parole aimable pour Mr. Crudge, ni, ce qui lui ressemblait encore moins, un mot de pitié pour les marins perdus. Enfin, elle se leva, elle resta un instant appuyée du bout des doigts au rebord de la table, puis elle traversa rapidement la salle et dévisageant Mr. Crudge. « Si vous avez besoin de secours, dit-elle, je serai heureuse de vous assister. » « Nul doute que vous ayez hâte de quitter Tresco. Oui, nul doute, » répéta-t-elle d'une voix pleine d'angoisse. « Madame, » répondit-il, « je n'ai pas besoin de secours, car Dieu merci, je suis un homme. » Et il appuya sur « homme » sans insolence, comme s'il veut dire que les femmes, par cela seules qu'elles sont les femmes, ont toujours ou peuvent toujours avoir besoin de secours. « Pour ce qui est de partir, voici. J'étais hier en route pour l'Afrique. » Un brouillard soudain m'a conduit aux îles Scilly. J'ai fait naufrage par mer calme sur le Golden Ball et j'étais jeté à Tresco. Personne que moi n'a échappé de tout le navire. Je n'étais pas plutôt en sûreté que le brouillard se leva. « Vous restez ?» interrompit Mrs. Lovice. « Non ?»« Si, » répliqua-t-il. « C'est l'intention de Jarvis Crudge. » Et il fit quelque peu sonner le nom, comme si par là il entendait la rassurer. Elle s'éloigna, pensive. Au moment où elle sortait, je la regardais à la dérobée et surpris sur son visage le plus triste des sourires. Mr. Crudge et moi, nous marchâmes quelque temps en silence. « Quelle réputation fait-on à Mr. John Lovice dans ce pays ? » demanda-t-il soudain. « Celle, répondis-je avec force, d'un honnête homme, d'un homme qui aime sa femme. »« Ou l'argent de sa femme ? » ricana-t-il. « Un honnête homme, lui ? Dites un chien hargneux et un vilain ladre. » « Vous voilà merveilleusement remis de votre malaise » risquai-je. Il s'arrêta, les yeux perdus par-delà le sound. Puis, d'une douce voix méditative, « J'ai connu jadis un autre petit garçon, trop intelligent. On le traitait à coups de bâton, et pour le frapper du pied, on se mettait de grosses bottes. Il mena une vie de misère et finit à Tyburn. » Mr. Crudge, comme il s'appelait lui-même, passa une semaine avec nous. Nous fîmes ensemble de nombreuses sorties autour des îles, et je découvris un fait. Bien qu'il les connût admirablement, il ne les avait jamais visitées, il n'en savait rien que par où y dire. Cette découverte, je me gardais de lui en parler, crainte d'une rebuffade. Mais je tiens la chose pour certaine, car il prenait Anjag pour Nor-Nor, Briggs Bay pour Ballypool, et faisait quantité d'erreurs semblables. Au bout d'une semaine, il loua le cottage qu'il habite encore, acheta son bateau, prit à bail le morceau de terrain de Dolphin Town et se mit à bâtir sa maison. S'il entreprit cet ouvrage, ce fut à coup sûr pour le plaisir, par distraction pure. Il se procura lui-même les pierres, maçonna, lambrissa, fit les planchers avec le pont d'une brigantine échouée sur la plage d'Annette, posa le toit de chaume, en un mot, commença et finit la construction de ses mains. Il y mit 15 mois. Durant lesquels il n'échangea pas avec Mrs. Lovice une seule parole, ni avec Mr. John autre chose qu'un sec bonjour. Il travaillait sans régularité, tantôt apportant à sa besogne une hâte fébrile, tantôt passant le jour entier à ne rien faire, assis sur l'un des promontoires. Ou bien encore, il jetait brusquement ses outils, comme si le travail l'excédait, et sautant dans son bateau, toute voile dehors, s'abandonnant au vent, il tirait les bordées au clair de lune jusqu'à l'aube. La maison terminée, il la meubla et pour cela fit constamment la navette entre Trescot et Sainte-Marie. Je me rappelle qu'une fois, comme il ramenait un vaste coffre, j'offris de lui donner un coup de main. Mais il prit le coffre sur son échine, le transporta ainsi au cottage qu'il habitait et l'y garda désormais fermé par un cadenas. Vers la Noël, la maison fut prête. Nous nous étonnâmes qu'il ne s'y installa pas. Il semblait s'en être tout à coup désaffectionné. Et comme par désœuvrement, il se mit à suivre les sorties de Mrs. Lovelace, d'une façon assez discrète, il est vrai, pour qu'à moins d'être prévenu, on ne s'aperçut pas qu'il s'occupait d'elle. Sa conduite à cet égard me devint particulièrement claire le jour de la Noël. L'après-midi était radieuse et chaude, et je flânais sur la colline de Merchant's Point, caressant l'idée de prendre un bain dans la petite baie qu'elle commande, quand je vis Mrs. Lovelace se promener sur l'étroite bande de terrain formant plage. En redescendant la pente, garnie de bruyères et de fougères, je tombai sur Jarvis Crudge, allongé sur le sol. Il observait Mrs. Lovelace si attentivement qu'il ne remarqua pas mon approche. Je lui demandai à quelle date il pensait entrer dans sa nouvelle demeure. « Je ne sais pas si j'y entrerai jamais, » répliqua-t-il. « Alors, fis-je, pourquoi l'avoir construite ? Parce que j'étais fou. » Et dans un marmottement de colère, « Oui, fou de rester ici, fou de bâtir cela !» Son poing, à travers l'espace, cherchait la maison. La folie de Crudge. Voilà comment il faut qu'on l'appelle. Cependant, la semaine d'après, il me sembla réconcilié avec son destin. Je le surpris même une fois qu'il se frottait les mains d'un air satisfait et riait sous cap. Quand vint le soir du nouvel an, j'ai été très soulagé de mes inquiétudes pour Mrs. Lovelace. Ce soir-là, je me rendis au cottage de Crudge. Avant d'entrer, glissant en regard par la fenêtre, je vis à l'intérieur un homme étrange, rasé, les cheveux noués en arrière et poudré. Il était en manches de chemise et gilet de satin, l'épée au côté, les boucles aux chaussures. Devant lui était ouvert le grand coffre. Je poussai la porte. « Venez donc ça !» dit l'homme. À sa voix, je reconnus Mr. Crudge. Il prit une chandelle, l'éleva au-dessus de sa tête. « Et maintenant, fit-il, dites-moi mon nom. » Son visage, affranchi de la barbe, libéré de la chevelure, apparaissait si net qu'on ne pouvait s'y méprendre. « Lovelace, répondis-je, brave enfant, proféra-t-il. Oui, Robert Lovelace, frère de John. Qu'il ne vous a pas reconnu, ajoutai-je, et cela ne m'étonne pas. Mais elle m'a reconnu, elle, s'écria-t-il avec une exaltation sauvage. Au premier regard, au premier mot, elle m'a reconnu. Puis, très calme, mon habit est sur la chaise près de vous. Je pris l'habit. « Que comptez-vous faire ? » questionnai-je. « C'est le soir du nouvel an, » répliqua-t-il d'un air sombre. « C'est le moment des souhaits. Il convient que j'aille souhaiter à mon frère qui m'a volé ma femme beaucoup de bonheur pour les 12 mois à venir. » Et m'enlevant l'habit, « Vous admirez mon costume ? C'est vrai, il est violet. » Il le tendait à bout de bras. Sans doute j'avais regardé le vêtement, mais sans penser à rien. « L'ombre violette, » ricana-t-il. « Oh, simple coïncidence !» Il se préparait à enfiler la manche. Vivement, je portai la main à ma ceinture. Mais il était trop leste pour moi. Il me jeta son habit à la tête, et je sentis la main dont j'avais saisi le couteau se tordre sous la sienne. Puis heurta une chaise, nous roulâmes sur le sol. Tout ce que je me rappelle ensuite, c'est ma course dans les fougères vers Merchant's Point et Robert Lovelace galopant à mes trousses. Son poids et ses 40 ans me donnaient sur lui l'avantage. Je courais à me rompre la poitrine, et les étoiles dansaient devant mes yeux. Arrivé à l'habitation de Mrs. Lovelace, je tirai le cordon de la sonnette, je m'élançai en trébuchant dans le hall. « Mrs. Lovelace » appelai-je hors d'haleine. À cet instant même, Mrs. Lovelace sortait du petit salon. « Eh bien quoi ? » demanda-t-elle. « Il me suit, Robert Lovelace !» Elle s'arrêta, raide de stupeur, comme si je l'avais cinglée au visage. Je savais qu'il en viendrait là. Déjà Robert Lovelace franchissait le seuil. « Molly » dit-il. Et il la contemplait avec curiosité. Elle restait là, singulièrement passive, tordant ses doigts. Il continua. « Je vous reconnais à peine. Au jour d'autrefois, vous étiez la jeune fille la plus volontaire que mes yeux eussent jamais vue. Il y a de cela 30 ans, » dit-elle avec un bizarre petit rire. Il la prit par la main et la conduisit au salon. Je les suivis. Ni Mrs. Lovelace ni Robert ne me remarquèrent. Quant à John Lovelace, il se dressa, étendit une main tremblante, la retira, l'étendit de nouveau, sans une parole, la figure pourpre, les veines gonflées. « Frère, » dit Robert, prenant dans ses doigts une moitié de pièce d'or qui pendait à une chaîne autour du poignet de Mrs. Lovelace. « Qu'avez-vous fait de l'autre moitié ?»« Je vous l'avais remis sur le fleuve Gambie, en vous demandant de la porter à Molly comme gage de mon retour. » Je vis la figure de John se figer à la voix de son frère. Il regarda sa femme. Elle connaissait la vérité. Il paya d'audace. « Je la lui ai remise, » dit-il, « en témoignage de votre mort. » « Par Dieu, Molly valait bien un mensonge. » Les deux hommes se faisaient face, Robert caressant machinalement sa barbe absente, John les bras repliés, tous deux blêmes et défigurés par la colère. Robert se tourna vers Mrs. Lovelace, qui restait pétrifiée. « Vous m'aviez promis de m'attendre, » dit-il d'une voix sourde. « Je réussis à m'enfuir 6 ans après mon noble frère. »« 6 ans ? » demanda-t-elle. « Vous seriez revenu après 6 ans que vous m'auriez trouvé, vous attendant. »« Je ne pouvais pas, » dit-il. « Je m'étais promis qu'avant de vous épouser, j'aurais une fortune égale à la vôtre. »« Louable résolution, » dit John. Voulant, j'imagine, par cette provocation, donner au débat une issue immédiate. « Orgueil, orgueil !» ajouta-t-il en balançant la tête. « Coupable orgueil !» Robert bondit, un juron aux lèvres. Alors, comme si ce mouvement l'eût éveillé, Mrs. Lovelace fit un pas, et de ses bras étendus, séparant les deux hommes, les tenant à distance. « Attendez !» prononça-t-elle. « Et quoi ? Vous auriez vous battre à cause de moi ?»« Non, certes. Vous, mon mari, je ne veux pas vous appartenir davantage. Vous, mon amoureux, je ne peux pas vous appartenir. Ma fierté de femme, mon honneur de femme, j'ai à sauvegarder ces deux choses. » Elle s'arrêta, cherchant une solution, tandis que les deux frères se défiaient par-dessus elle. Évidemment, elle sentait que, laissés à eux-mêmes, ils se battraient jusqu'à la mort. Elle se tourna vers Robert. « Vous vouliez vivre ici, à ma porte, inconnu de moi. Était-ce possible ?»« Non, » répondit-il. « Ce n'était pas possible. » Mais vous m'aviez tant parlé des Céline à guerre. Un souvenir se rattachait pour moi à chacune de ces îles, et je vous voyais chaque jour. Je lus clairement la pensée qui traversait l'esprit de Mrs. Lovelace. Que servirait qu'elle vécût près d'eux, toujours visible pour l'un et pour l'autre? Tôt ou tard, ils seraient aux prises. Il rougit au moment où se présenta devant elle l'idée de son sacrifice. Je ne vois qu'un moyen, dit-elle. J'irai dans la maison que vous, Robert, vous aviez bâtie. Ni John ni vous ne me verrez plus. Mais je ne vivrai pas moins entre vous deux. Vous séparant, comme aujourd'hui, je vous sépare. Je vous donne si sincèrement ma vie qu'à partir de ce soir, nul n'apercevra plus mon visage. Vous, John, vous resterez ici à Merchant's Point. Vous, Robert, vous vivrez dans votre cottage et chaque jour, vous m'apporterez la nourriture et l'eau que vous laisserez à ma porte. Les deux hommes s'écroulèrent de honte. Ils protestèrent qu'ils allaient se quitter, mettre le monde entre eux. Elle ne voulut pas les croire. Je suppose aussi que plus elle y songeait, plus elle s'attachait à l'idée du sacrifice. Car les femmes ont la même ténacité dans l'abnégation que les hommes dans la rancune. Finalement, il fut fait comme elle voulait. Cette nuit même, Robert Lovelace cloua des planches aux fenêtres de la maison et remit à Mrs. Lovelace la clé de la porte. Et cette nuit même, il y a de cela 20 ans, elle s'enferma dans ses murs. Nul homme ne l'a vue depuis, mais elle a vécu entre les deux frères, les écartant l'un de l'autre. Tels sont les faits que me conta Mr. Wyeth dans la fumée des pipes. Je repartis le lendemain pour Londres. 1 an plus tard, l'histoire eut un dénouement dont je fus le témoin. Il nous arriva brusquement une lettre de Mr. Robert, nous demandant une grosse somme d'argent. Intrigué par cette demande, je portai moi-même la somme à Tresco. Mr. John Lovelace était mort le mois d'avant, et j'arrivai dans l'île le jour du mariage de son frère. J'assistai à la cérémonie. Mr. Robert portait cette fois un costume approprié à sa situation. Vieux et cassé, mais beau encore, il menait à son bras une grande femme à cheveux gris, très pâle, qu'on devinait avoir, elle aussi, était très belle. Et dans la minute où le prêtre unissait les mains, j'entendis l'épouse murmurer à l'époux les mots du texte sacré. « La poussière à la poussière. » Ainsi s'achève, les fenêtres closes, par A.E.W. Mason.